Allez, bismillahirrahmanirrahim. Donc hier, bah après, écoute, la pile, elle s'est coupée depuis le début. J'ai fait la basmala, ça a coupé direct. Donc il y a pas eu le début, on a pris les kalimettes, ils sont là avec la mourajaa, on va les reprendre. Ça a repris juste avant qu'on lise en fait. Tout le début, ça n'a pas enregistré. Taïeb. Donc elle ça s'est aucun des kalimettes. Khalafa yu khalifu. Contredire, s'opposer. Hakkun ay sawab. La vérité. Chose correcte. Ihtiramun. Le respect. Non, c'est le masdar de. Respecter. En arabe. Ihtiram. Ihtiram. Ihtiram. As-sadaqa. Sadaqa. L'aumône. Charité. Non. Istahakka yastahikku. Mérité. Ihtiraf. Reconnaître à vous. Non, là c'est un masdar. Et le verbe c'est ihtarafa yahtarifu. Ta'iba yata'abu. Se fatiguer. Radda yaruddu. Rendre. Tu avais dit que ça avait plusieurs marins. Non, ça peut être rendre. Là dans le texte c'est rendre. Rendre, répondre, renvoyer. Wakaza. Réfuter également. Non. Waddu'a ma'alouf. Donc là, premièrement, Kana Alek. Aïwa, la Asila. Taïeb, hel tu tir ou walidek fi kulli shay. Ajib ou tarjim. Réponds et traduis. Naam illa fil khata ou marsiatillah. Ou marsiatillah. Donc oui, sauf dans les erreurs, dans les fautes, les erreurs et les désobéissances à Allah. Maza qala Salimun li Mahmoud. سأله هل يمكن أن محمد يشرح له كيف يكون الإحسان إلى الوالدين؟ Alors il lui a demandé est-ce que c'était possible que Mahmoud lui explique comment était la bienfaisance envers les parents. أحسنت. بارك الله فيك. ثالثا كيف أجاب محمود؟ أجاب أن في حياتهما في حياتهما بتاعتهم. Alors il a répondu que pendant leur vie, pendant leur vie par l'obéissance, et qu'après leur mort par les du'a et les aumônes. Naam. Rabihan, kifa tuwaddihu ra'yak li walidayk? Bi wudu'in. Ma ma'na bi wudu'in? Avec calme. Khamisan, limaza yastahiku alwaliday alwalidani at-ta'at wa al-ihsan. Li'annahuma ta'iba ta'iba fi tarbiyati awladihim. C'est comme ça. Parce qu'ils ont ils se sont fatigués dans l'éducation de leurs enfants. Sadisan, kayfa tabarru walidayk ba'd wafatihima? Bid'a ilahuma. سابعا لماذا دعا محمود في نهاية الحوار سابعا دعا محمود في نهاية الحوار لا دعا بالتوفيق وفقنا الله الى بير والدينا كلام ذكر التوفيق طلب بير في زوج على بارون après on avait dit sadis et après tu devais faire le texte nos الاب يتعب بنفاقه بي بالنفقه يعني لجولي دافور لي ديبونس بالنفقه على ولهاجل ذلك يستحق الاحترام والاعتراف بفضلك سويت جيمي والام كذلك ترجم le père il se fatigue dans, dans les dépenses et pour cette raison et pour cette chose il mérite le respect et la reconnaissance pour son mérite. Donc là tu as mis trois mots dans la phrase. Ihtiram, ihtiraf, yat'ab. Ah, j'ai fait plusieurs phrases en fait. Vas-y. Wasil. Si j'ai mis wal um kadhalik tad'abu fi tarbiyati. Tarbiyati awlad, fi tarbiya plutôt. Tarbiya. Quand j'ai mis والمحسن الذي رد الإحسان لوالدي لوالدين لوالدا لوالدان لوالدين لوالدين لا المضاف lorsqu'il est مثنى au jam ذكر سالم t'enlèves le nun. Tu dis pas لوالدان, tu dis pas مثلا جاء والدانه أو رأيت والدينه. لا, tu dis jawalidahu, enlève le noun. Car le noun à la base, il prend la place de tanouin. Ça serait quoi avec un élème devant là? C'est le même soul. C'est walidayhi. Walidayhi. Enlève le noun. Adi kaïda. Tout ce qui est un noun, comme jam zakar salim, ou mufanna, lorsqu'il est moudaf, t'enlèves le noun. Car le noun à la base, il est venu pour prendre la place de tanouin. Dans un moudof, il y a un tanouin dans un moudof ? Dans un moudof, il n'y a pas de tanouin. Le noun, il tombe. Les walidés, ils bita'at, bita'at, fi hayatihima, wa bittu'a, wa sadaqa anhuma, ba'd wafatihima. Là, j'ai mis que un mot. J'ai mis radda. Radda, j'ai mis juste. Ensuite, j'ai mis. Bon, je sais. Abu Mohammed Mayit. Je ne sais pas comment le dire. Ensuite j'ai mis père de Mohamed est mort. Ouais, mais je savais pas comment le mettre sans changer, sans mettre de aliflam ou sans de mettre dans une forme. Après j'ai mis Khalafa Ahmed Walidayhu. Walidayhi. Walidayhi. Walidayhi liannahuma amarahu bi marshatillah. Ah, c'est que Ahmed il a contredit ses parents quand ils l'ont ordonné de désobéir à Allah. Jaza, tu l'as mis où le jaza? Je t'ai commencé. Il n'a pas entendu le jaza. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Je vais te donner une phrase. El jaza ou min jins el amal. Que la rétribution est en fonction de l'acte. Ensuite, j'avais le texte à mettre en os. Vas-y. Alors. Salimu sa'ala Muhammad sa'ala Mahmouda anna yashrah lahuma kayfa yakun al-ihsan ila al-walidayn fi hayatihima. Radda lahum Mahmoud bin'am. Je voulais dire qu'il avait dit oui. Bin'am. ثم أحمد سأله هل يطيع هل يطيع والده يو يطيع هل يطيع هل يطيع والديه في كل شيء والديه والديه والديه في كل شيء قال محمود ولا يخالفهما ولا يخالفهما نسيت هذا أيوة قال محمود عم قال محمود نعم إلا إذا أمراه بخطاء أو معصية الله ومعصية لله معصية لله وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا الحال يمكن أن يوضح لهما رأيها بهدوء رأيه بس رأيها سانم الضمير مبني نعم واصل بعد ذلك سالم طلب لمحمود كيف يكون الإحسان إليهما بعد وفاتهما؟ أجب له بالصدقة عنهما والدعاء لهما. وأحمد قال: أن الوالدين يستحقان منهم احترام وإحسان. كل احترام وإحسان واعتراف بفضلهما. ولقد تعب في تربيتهم تعبا شديدا، فعليهم أن يبرون إحسانهم إحسانهم. لا regarde le verbe qu'il y a. برون. لا أن هذا رد يرد ليس بر يبر. فعليهم أن يردون أن يردوا منصوب يا أن دفن كفد نون أن يردوا إنه با يردونا لمنصوب با أن on a dit أن parce qu'il y a un نون qui vient on l'enlève qui dit أنا أريد أن تذهبوا وأن تجلسوا وأن تذهبا لبقي صوتي بدلي مفهوم؟ نعم. أن يردوا إحسانهما إحسانهم إحسانهما إحسانهما إحسانا واحتراما إلى آخر عمرهما. وذكر محمود آيات من القرآن على الوالدين على بر الوالدين. وأحمد وسالم قال بارك الله فيك، ومحمود قال وفقنا الله ودعا محمود بالتوفيق الله إلى بر والديهم. طيب اللي ندخل في درس جديد. كما ذكرنا dans le nouveau برنامج qu'on va prendre maintenant on va prendre درس un درس parcours inchallah pour aller plus vite car il n'y a pas de haja de faire un درس comme on le fait là ça prend beaucoup de temps pour passer par la suite un autre kitab بإذن الله. قال العطلة الأسبوعية العطلة الأسبوعية عطلة Là, c'est vacances. Osbouria, c'est hebdomadaire. Là, il fait allusion au week-end. Taïb. La kilimata jadida. Mousri'an. Yani, rapidement. La hadha yulahidhu. C'est remarquer, constater quelque chose. أنجز ينجز سي معنى كمل نفس التامينه إسراع سي المصدر دو أسرع يسرع كي بدي غالي فيت أكسليري وكذا استراح يستريح استراح سي المصدر Et le verbe c'est istaraha yastarihu, c'est se reposer. Se reposer. Istaraha. Ah, faut, non, là c'est le mardi. C'est pas le masdar, c'est istaraha. Il y a un T à la fin. Le masdar c'est istarahatun. Non. Ihtaja, yahtaju, c'est avoir besoin. Ana ihtaju, kaza. Ou tu peux dire ila kaza. Rattaba yurattibu, c'est ranger, classer. A'mal, c'est le jam de A'mal. طيب. Alors, on a pris le chouard. Ana saqra. علي وانت عمر وكذلك تكرر البدايه. بعد انتهاء عمر بن من عمله خرج مسريعا فشاهد صديقه فشاهده صديقه علي فناده ودار بينهما حوار التالية. C'est-à-dire qu'après que Omar ait terminé son travail, il est sorti vite fait. Donc, son ami Ali l'a vu et l'a appelé. Nada s'est appelé. Et après, il y a eu entre eux une discussion suivante. Ali a dit : Limaza tusli'u ya Omar, maza bik ? Pourquoi est-ce que tu te précipites, Omar ? Qu'est-ce que tu as ? La chey. Walakin yom, kama ta'lam, akhir ayami. العمل وغدا العطلة الأسبوعية. Donc il dit Omar, il n'y a rien. Cependant, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier des jours de travail. Et demain, c'est les vacances hebdomadaires, c'est-à-dire le week-end. Donc en fait, il s'est précipité pour parce que c'est la fin de la semaine. وما سبب إسراعك في هذا اليوم؟ Quelle est la cause de ta précipitation ce jour-là? C'est-à-dire car je voudrais terminer mon travail. C'est un travail qui m'est propre ce soir ou cet après-midi. علي يقول ولماذا لا تستريح اليوم وتقضي اعمالك الخاصه غدا. Pourquoi ne te reposes pas aujourd'hui et tu finis tes travaux qui te sont propres demain? افضل دائما ان اشتري كلا سي كلا سي نعم كلما احتاج اليه في مساء اليوم مساء يوم الخميس لأستريح في يوم الجمعة. لديك أعمال مثلي. Donc il a dit car je préfère tout le temps acheter tout ce dont j'ai besoin le soir ou l'après-midi du jeudi pour me reposer le vendredi. Est-ce que toi aussi tu as du travail comme moi? نعم سأكتب اليوم بعض الرسائل لأصدقائي ثم أذهب كي أضعها في صندوق البريد ثم أعود لأنام. Il dit oui, aujourd'hui je vais écrire certaines lettres à mes amis, ensuite je vais me rendre pour les poster à la poste, ensuite je retournerai pour dormir. Kay pour les poser, pour les poster on va dire. معناها لي أضعها. ما رأيك في أن تقضي يوم نقدية يوم غد معا؟ Que penses-tu que si on passait la journée de demain ensemble? Donc là c'est un tambir, regarde, il a dit yom radin. Car beaucoup de gens ils croient que radin demain c'est tout le temps avec an. C'est une erreur. Radin il est mansoub. Donc on dit radin parce qu'il est mansoub, c'est un zarf zamen. Mais lorsqu'il vient autre que cela, il prend un autre i'rab. Là, il est mudaf ilayhi, donc il va prendre une kasra. Hassanan, walakin kayfa sanaqdihi. Il a dit, d'accord, bonne idée, quoi, dans le sens, mais comment va-t-on la passer, c'est-à-dire cette journée? Ta'ala ilayya sabah yawmi jumu'a munakkiran mubakkiran وسنذهب في رحلة ممتعة جدا. Donc demain, viens demain. Ta'al, viens vers moi. C'est-à-dire tu viens vers moi quoi. Rejoins-moi, on va dire comme ça. Demain matin vendredi tôt et nous allons faire une sortie réjouissante, plaisante, très plaisante plutôt, jiddan. نعم الأحسن أن يبكروا للجمعة إنه يسكي زيتو pour le jumu'a plus de أجر mais bon c'est permis. طيب مفهوم النص الأول أجيب عن الأسئلة التالية من النص donc réponds aux questions suivantes du texte, ça sera pour demain inshallah. عن أي شيء سأل علي عمر à propos de quoi عمر ou علي a-t-il interrogé عمر. ثانيا لماذا أصلع علي pourquoi est-ce que علي a fait vite. ثالثا متى سينجز عمر أعماله الخاصة quand est-ce que عمر va terminer ses travaux qui lui sont propres, on va dire là c'est personnel plutôt, c'est travaux personnels, tâches personnelles. رابعا ماذا طلب منه علي كاسك علي ا voulu de lui. خامسا ماذا كان رد عمر par quoi répondu عمر que fut la réponse de عمر. سادسا متى سيستريح عمر quand est-ce que عمر va se reposer. سابعا هل لدى علي اعمال مثل عمر est-ce que علي a des travaux des tâches comme عمر. ثامنا ما اهم اعماله qui est le plus important de ses travaux de ses tâches. تاسعا ماذا طلب عمر من علي qu'est-ce que عمر a voulu de علي. عاشرا اين سيقضيان يوم الغد où vont-ils passer la journée de demain. طيب الثاني هذا كذلك سيكون في البيت à la maison. اكتب ست جمل مع استعمال عبارة لديك اي لديك tu le écris cette phrase avec la formule اي لديك. ما معنى لديك؟ نعم. Et c'est quoi la différence entre la deka, la daka et andaka? On avait dit la différence entre les deux. La deka, est-ce que tu l'as tout de suite? Tu l'as avec toi, Anas. Non. Et andaka, ça peut être ailleurs. Ahsant. الثالث أجيب كما في النموذج. نموذج أصلع. ثم يقول ما سبب إصراعك اليوم. Donc en fait on a أصلع après il veut que tu mettes le مصدر en mettant ما سبب اليوم le مصدر du verbe entre parenthèses. طيب حضر ما سبب إحضارك اليوم. لا إحضار c'est le مصدر de أحضر là c'est حضر c'est un ثلاثي c'est pas un رباعي okay. C'est quoi le مصدر حضور حضور حضور ما سبب حضورك اليوم. غاب مصدر سي غياب حضورك صح. نعم مصدر سي غياب absence. ما سبب غيابك اليوم. نعم حزينة مصدر سي حزن. ما سبب حزنك اليوم يعني quoi حزينة يحزنه triste être triste. Et غاب يغيب ah c'est le contraire de l'autre. Hadara, hudur, être présent. Ghaib, c'est l'absent. Fariha, être content. El masdar, c'est farah. Ma sabab farahika lyoum. Naam. Ta'akhara, masdar, c'est ta'akhur, être en retard. Ma sabab ta'akhurika lyoum. Ta'iba, le masdar, c'est ta'ab, se fatiguer. Ma sabab ta'abika lyoum. Naam. Ahsant. الرابع أجيب كمان في النموذج يقول وضح حضرة ثم سوف أوضح لك ذلك عندما تحضره. En fait c'est سوف je vais t'éclaircir cela lorsque tu vas te présenter. Tu vas être présent quand tu seras là on va dire. Donc tu fais une même formule avec les autres verbes qui sont entre parenthèses. Arsala qui veut dire envoyer et Safara qui veut dire voyager. سوف أرسل لك ذلك عندما تسافر. Je t'envoie cela lorsque tu vas voyager. نعم. سلم انتظر. سوف أسلم. أسلم. سوف أسلم لك ذلك عندما تنظر. لا. تنتظر. Je vais te donner cela. La salama, c'est te livrer. Parce que tu vas attendre. A'ta. تأتي سوف أعطي سوف أعطي لك ذلك عندما تأتي نعم Je sais pas pourquoi là ils l'ont mis en Gdoria. Je vais te donner cela parce que tu vas venir. Ishtara arada. Sauf ashtari laka dhalik indama turid. Naam. Je vais t'acheter cela lorsque tu voudras. Bayyana ada. Sauf ubayyin laka dhalik indama ta'oud. Ta'oud. Je vais t'acheter cela lorsque tu vas revenir. الخامس رتب فعل تقول سأرتب ما سأفعل غدا le premier سوف c'est مستقبل pour le futur qui est loin سوف et là c'est sin un futur qui est plus proche quand tu veux donner un verbe au futur tu dis سوف أفعل كذا quand c'est un futur lointain et un futur proche سأفعل هذا Et quand tu fais une négation au futur, comment tu fais Len. Taïeb. Maintenant, dis Ashtari ou Ishtara Akala. Qu'est-ce que tu fais Sa'ashtari ma sa'akul sa'akul ghadan. Non, je vais acheter ce que je vais manger demain. Ahdara arada. Sa'uhdiru sa'uhdiru ma sa'u. Ma sa'urid. Ça se dit ça Ma sa'urid. Ma urid. Franchement, ça fait bizarre à l'oreille, mais bon. Non, je vais ramener ce que je veux demain. Kataba Anjaza. Sa'aktub ma sa'anjiz. Où? Ma sa'unjiz. Ma sa'ujin. Unjizu. Ma sa'unjizu ghadan. Non, je vais écrire ce que je vais finir demain. Rasama shahada. Rasama, c'est dessiner. Rasama yarsumu. Sa'ursimu. Arsum. سأرسم معلش بس هو بتتكو بدي على على شكون هيك نضم ماما سأرسم ما سأشاهد ما سأشاهد ما سأشاهد je vais dire ايوه je vais dessiner ce que je vais regarder ce que je vais voir en fait غسل لابسا سأغسل ما سأغسل سأغسل ما Non, je vais laver ce que je vais porter demain. Toyeb, Saadis, c'est remplir les trous avec les mots qui conviennent. Indama, Ufadilu, Anjaza, Akhir, Tusrihu, Rattaba. Jumel Oula. Othmanu, Malabisahu, Fi Hakibati, Kobl Safar. Othman, ses vêtements dans sa valise avant le voyage. C'est ça, il a rangé. Alors, Othman a rangé ses affaires dans sa valise avant de voyager. C'est Rattaba qu'il fallait mettre. Hassan. Thanien. Akhbarani sadiqi bi annahu sayuwaddihu li dhalika yahduru ghadan. Que mon ami m'a informé qu'il va me casser cela lorsque. Bah, je l'ai dit. Là, je viens de le dire en plus. Voilà. Indama. Il viendra demain. Indama, naam. Je veux dire lorsque. Ou quand. Thalithan. La astati'u an kull a'mali fi hadi sa'a. Je ne peux pas tous mes travaux à cette heure. Unjiz. Sa'ruba'i. Je ne pourrais pas finir tous mes travaux. Naam. Rabi'an. La fashari'u muzhamu bisayyarat. Je ne peux au là, c'est-à-dire car la rue est bondée par les voitures. Là, tout se lire. Ah, ouais, ne va pas vite. N'accélère pas. Khamisan, al-mashiya bi kurbi nahr qabl ghurub ash-shams. C'est-à-dire la marche près du fleuve avant la, le coucher du soleil. Non, mais je préfère la marche. سادسا سوف نركب سيارة في المطار. Nous allons monter ou embarquer ou prendre voiture à l'aéroport. Ça marche? Ah voilà, la dernière voiture dans l'aéroport, à l'aéroport. طيب السابع سيكون في البيت. C'est répondre aux questions. Saftarihu fil ghad. Je vais me poser demain. Toi, tu trouves la question qui va avec. Usrihu liannani uridu an asila mubakkiran. Je vais vite car je voudrais arriver tôt. Oh, tu peux le faire maintenant d'ailleurs. Ah, ouais. Vas-y, elle est où là ? Non. Quand est-ce que tu veux te reposer ? Et la deuxième ? Non. Thalithan, ça ajlis ou radan fil bait. Je vais m'asseoir demain, rester demain à la maison. Non. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail. Ouais, tu peux dire mal yom ou mata akhir yom el amel. Tu peux dire ou fakiru kifa akadi el rad. Je réfléchis comment je vais passer ma journée de demain. Mata tu fakir ou ala mata tu fakir. Naam ou li mata tu fakir ou ouais. على ماذا تفكر نعم بيك لو حفجه دي ريفيان با بس سرا سا كي فو دير طيب نعم لدي اعمال مثلك وي جي دي ترافو كوم توا هل عندك هل لديك اعمال مثلي هل لديك ولا لداك هل لداك نعم من لديك راسك منصوب ومجرور. طيب et là on va laisser le thamin et le tasir et le achir, je vais le faire sur le bait. C'est quoi le tasir? C'est mettre les mots dans des phrases mufida en rajoutant ce que. Je ne comprends pas le texte. Là, c'est pas des emails. Après, on va le faire, tu vois. طيب, عندنا رتب بسرعة. Maintenant, avec ces deux phrases, faut que tu fasses, avec ces deux mots, tu fasses une phrase. أنجز أعمال. استراحة العطلة. حاول مساعدة. استراحة العمل. حاول لكنه. Toi, tu fais. Le vide, je ne peux pas. Là. Samin, la nafal. Voilà, Achir. Kazarik. Istamil kul kalimat, min kalimat taliya, fi jumlatin mufida. Mettre les mots dans des phrases mufida. Anjaza. La hava. Akhir. Yuhawilu. Alisra'a. Yastarihu. رتب مثل يحتاج مفهوم هذا هذا اللي غادي ان شاء الله مع مراجعه الكلمات فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.